بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, dans différentes contrées, différents pays que je ne cite pas, vous êtes assez intelligents pour comprendre, mais sous-entendu, il se peut que certains musulmans faibles dans leur foi, ou bien des mécréants touchés par l'illusion de leur force matérielle ou de leur nombre, puissent penser que l'islam n'est pas loin de s'éteindre, que l'islam peut être amené à disparaître. Et nous allons donc répondre à cette question-là, à cette supposition qui peut traîner dans la tête de certains à travers cette khutba. D'abord, cette religion à laquelle nous appartenons, quelle est-elle? C'est l'islam. À qui appartient-elle avant tout? Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Allah, jalla fi'ula, est le créateur de cet univers. Il est le créateur de toutes les créatures qui nous entourent et de nous-mêmes. Créateur des cieux, créateur des terres, des animaux, des végétaux, du visible, de l'invisible. Tabaraka wa ta'ala. En plus d'être le créateur, il est le possesseur, huwa al-malik. Il possède cette création. Wa huwa al-mutasarrif, c'est le gérant, subhanahu wa ta'ala. Cet univers n'appartenant qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne peut donc s'y passer que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, veut. Il n'apparaît dans cet univers-là que ce que Allah veut. Et quand nous disons « veut », c'est sa volonté universelle, subhanahu wa ta'ala. Allah dit « wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin ». Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Ce qui se passe dans le monde, c'est que Allah l'a voulu. La sagesse parfois éclaire, parfois elle l'est moins, elle peut même être cachée et ne pas apparaître aux gens. Mais il y a dans tout ce qui existe aujourd'hui, dans tout ce qui a lieu aujourd'hui, dans tout endroit que ce soit, une sagesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala protège donc sa religion. Car cette religion appartient à Allah. Comme l'univers appartient à Allah, la religion appartient à Allah, jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes la religion pour Allah est l'islam. Donc est-ce que cet islam peut être battu? Est-ce que l'islam, le vrai bien sûr, et pas celui que veulent inventer certains pour égarer la communauté, peut-il être battu, éteint? Peut-il disparaître? Telle est la question que nous nous posons. Mais avant de répondre à cette question, une question préalable. L'islam a-t-il des ennemis? Est-ce que l'islam possède des ennemis? La réponse est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit, et c'est ainsi que nous avons mis pour tout prophète des ennemis parmi les génies et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi quelle est la volonté des mécréants face à l'islam. Allah dit dans Sourate As-Saff, les rangées, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche et Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne guidée afin de la rendre victorieuse sur toutes les religions, n'en déplaise aux associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate At-Tawbah, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah lui ne veut seulement compléter sa religion, n'en déplaise aux mécréants, c'est lui qui a envoyé son messager. Et le verset suivant est identique au deuxième de Sourate As-Saff que nous avons cité auparavant. Donc il existe des gens qui veulent éteindre la lumière d'Allah. Au temps du prophète, alayhi salatu wa salam, mais à notre époque aussi. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le peuple de Quraysh s'asseyait dans une maison qui s'appelait Dar al-Nadwa et réfléchissait, se concertait, tout comme ont lieu aujourd'hui des concertations, comment éteindre les derniers musulmans qui prennent encore le vrai islam, je dis. Pas le milliard et demi dont peut-être les trois quarts n'ont rien compris au Coran, et encore moins la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette minorité qui applique encore le Coran, de la Fatiha jusqu'à Sourate An-Nas, et qui veulent pas seulement l'appliquer en eux-mêmes, mais veulent aussi sortir l'humanité des ténèbres de la lumière, en les mettant sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que faisait Quraysh à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam? Ils se réunissaient, se concertaient, comme se concertent aujourd'hui des gens. Allah dit, Sourate Al-Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque le mécréant était en train de ruser afin de te tuer, de te faire du mal ou bien de te chasser de la Mecque, ils rusent, ils font des stratagèmes et Allah fait des stratagèmes et c'est Allah qui fait le mieux des stratagèmes. Subhanahu wa ta'ala. De même, Allah jure dans Sourate At-Tariq que les gens rusent contre la religion d'Allah Azza wa Jal. Il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Et par le ciel et الرَّجْعُ فِي اللُّغَ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ هُوَ الْمَطَرْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ السَّحَابِ قال بعضهم والشمس والقمر مأخوذ من الرجوع لأن شيء يرجع المطار يرجع حين بعد حين كذلك الشمس والقمر والسماء ذات الرجع par le ciel possédant un rajع composé un rajع certains disent la pluie d'autres disent le soleil la lune والأرض ذات الصدع et par la terre qui se craquelle pour faire sortir les végétaux الصدع والانشقاق ليخرج النبات إنه لقول فصل إنه لقول فصل حق وما هو بالهزل ما هو بضعيف إنهم يكيدون كيدا هؤلاء الكفار يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا. C'est une parole de vérité, Allah dit, et ce n'est pas une parole de faiblesse. Certes, ils rusent. وَأَكِيدُ كَيْدَا, et je ruse entre guillemets. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدَا. Donc l'islam effectivement possède des ennemis. L'islam possède des ennemis. Donc est-ce que cette religion peut être battue? Est-ce que cette religion peut être éteinte? Allah répond. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Ceux qui sont ennemis d'Allah et du messager, qui s'éloignent d'Allah et du messager. Yuhaddun, c'est pris de al-muhaddah, qui est le fait d'être de l'autre côté d'une chose. Allah et son prophète sont d'un côté, et ces gens-là sont de l'autre côté. Allah dit que ces gens qui sont à l'encontre d'Allah et de son prophète, ulaika humul adhallin, ce sont les plus rabaissés. Dans ce bas monde et dans l'autre. Puis Allah dit, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah a décrété que je serai victorieux, moi, ainsi que mes messagers. Inna Allah qawiyun aziz. Allah est fort et puissant. La victoire appartient à Allah. La victoire appartient aux musulmans. L'islam est la religion élevée. L'islam est la religion de vérité. Toutes les autres religions sont fausses et mènent inéluctablement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne sur les dépenses des mécréants. Il nous a renseigné sur leur volonté. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Maintenant, il nous renseigne sur leurs dépenses. Il dit dans Sourate Al-Anfal, il dit les mécréants dépensent leur argent afin de faire barrière au chemin d'Allah. فَسَيُنْفِقُونَهَا. Et certes, ils dépenseront leur argent. Par milliards, quitte à se mettre en crise, quitte à s'endetter, ils dépensent les milliards, pourquoi? Pour éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et même la construction de mosquées est là pour éteindre la lumière d'Allah. Dès qu'il y a financement d'un islam, ce n'est pas l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est un islam critérisé. Tu diras ce que l'on veut, tu feras ce que l'on veut, tu iras où l'on veut. فَسَيُنْفِقُونَهَا. Ils dépenseront donc leur argent. Étape numéro 1. Étape numéro 2. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. Et ce sera pour eux un regret. ce sera un regret. Ceci reviendra sur eux en catastrophe. Ce sera de la pauvreté. Ce sera des châtiments dans ce bas monde. Comme Allah le choisira, des maladies, des crises économiques ou autres, des suicides, des couples déchirés, une jeunesse en crise, dans la drogue, dans l'alcool, dans la dépression, dans la déprime, dans la délinquance, un système scolaire catastrophique, un système économique catastrophique, des maladies que l'humanité n'a jamais connues précédemment. Allah donnera pour conséquence de cette dépense qui avait pour but d'éteindre la lumière d'Allah, Allah donnera des catastrophes, des regrets, hasara comme il dit. Thumma yughlabun. Puis ils seront vaincus. Puis ils seront vaincus. Puis les mécréants seront tous réunis dans la géhenne. Car ils se sont attaqués à la religion d'Allah. Ils se sont attaqués à Allah. Ils se sont attaqués au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils savent qu'ils ne s'attaquent pas à un extrémisme, comme ils disent. Wallah, uqsimu billah. Ils savent mieux que certains pauvres musulmans et qui croient ce discours-là, qu'ils attaquent de l'extrémisme ou bien des terroristes. Uqsimu billah qu'ils attaquent les suiveurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a dit qu'il dépense pour faire barrière au chemin d'Allah. Cette dépense va revenir sur eux comme étant un regret. Puis qu'ils seront vaincus et qu'ils seront jetés dans la géhenne. À quel moment seront-ils vaincus? À quel moment est-ce que Allah va détruire les mécréants qui entrent en guerre contre les musulmans? Allah nous le dit dans le Coran. Et c'est un stade qui est une épreuve pour la aqida du musulman et qui est un ajout dans l'illusion du mécréant. Allah dit, et lorsqu'ils ont oublié le rappel que nous leur avons fait, on leur a ouvert les portes de toutes choses. Hatta idha farihu bima utu. Jusqu'à ce qu'ils ont été contents de ce qu'on leur a donné. Et qu'en eux est venue l'illusion. Qui peut nous battre? Akhadnahum barta. Jusqu'à ce qu'ils ont été contents de ce qu'on leur a donné, on les a pris par surprise. Ils sont à ce moment-là rabaissés. Allah veut que les mécréants montent. Ils montent, ils posent le visage du musulman et le piétinent sur terre. Et lui crachent au visage. À ce moment-là, quand ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Allah les prend par surprise. Et ce musulman-là, qui a la tête par terre, écrasé par le mécréant, lui on le rapporte dans Surat Yusuf. Hatta idha stay'asu. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا. Jusqu'à ce qu'ils ont perdu espoir et qu'ils pensent qu'on leur a menti. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Notre aide leur est parvenue. فَنُنْجِي مَنْ نَشَاءَ. Alors à ce moment-là, on sauve qui l'on veut. On sauve qui l'on veut. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ. Et notre frappe, notre mal, ne peut être repoussé contre les peuples criminels. Yaqulu fi surati Yusuf wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun hatta fil muslimin. Allah est le vainqueur dans ses affaires, mais la plupart des gens ne savent pas. Fa'tazu bi dinikum. Je répète, soyez fiers de votre religion. Soyez fiers du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Soyez fiers du Coran. Et ne prenez pas du Coran que ce qui agrée les mécréants. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez à une partie du Coran et vous mécroyez à une autre partie? فَأَعِينُوا إِخْوَانَكُمْ. Aidez vos frères. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dans cet endroit-là, c'est parler de dua. On fait dua pour nos frères. On dit à nos enfants de faire dua. On dit à notre femme de faire dua. On propage l'amour du tawhid dans nos mosquées. On ne joue pas les autruches devant les conflits extérieurs. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des musulmans dans leur amour, leur compassion et les sentiments qu'ils entretiennent les uns les autres sont l'exemple d'un corps Lorsque un membre, un organe tombe malade, le reste du corps vient à son secours par la veille et la fièvre. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.